monieri mi secchi, allo monieri mi secchi, allo monieri mi secchi, allo monieri mi secchi, allo monieri mi secchi, allo monieri mi secchi, allo monieri mi secchi. A tutti les pays ouverts et quand niet mais met paillettes. On a sorti l'arsenal comme on bled pour faire une fête. Et qui me miette une peau gangstera à sti her. Provo ma spine, ta boing gourin gotti mini her. Ta crum delen, plus vedem mini fan. Skena or, me bon lait, bon million à des respect. Un gassep dans ses baskets représente mon A89. Tu veux savoir d'où je viens? 4020. Liège ma cité, arc me hante, Coursium Nadven, à force de blédard, calage du pouvoir, je veux mener ma Swiss life, au revoir, au revoir. Allô, allô, mais c'est qui, mais c'est qui? Allô, allô, mais c'est qui, mais c'est qui? J'ai le succès au bout du fil, parlons chiffres, parlons peu car j'ai pas le temps pour toi. Y'a le sang de la veine et puis les autres comme toi. Les gars comme moi, yeah. Reste loin de toi. A chaque fois, yeah. Que hoje te kipa veç real ikitipa. Pi njeti shifrat, njeti si kurbitat. On vient de nulle part, on s'est fait seul qu'est l'oï. Pas de tapis rouge, ni de strass qu'aime nevoy. La reps fait pas de toi le rappeur préféré. Tu rentres propre, tu sortiras camé. Skem kame hic, payat shit peak. Tu veux qu'on t'explique, c'est trop explicite. Vlore j'capitchit, fou de gil. Dites-moi, c'est pas un film, mon vécu a pris le dessus. J'vois tes visages déçus, on va sortir les vrais bails. J'les vois, ils se chient dessus. Allô, allô, mais c'est qui, mais c'est qui? Allô, allô, mais c'est qui, mais c'est qui? J'ai le succès au bout du fil. Parlons chiffres, parlons peu car j'ai pas le temps pour toi. Il y a le sang de la veine et puis les autres comme toi. Les gars comme moi, reste loin de toi. J'ai le succès au bout du fil. Parlons chiffres, parlons peu car j'ai pas le temps pour toi. Il y a le sang de la veine et puis les autres comme toi. Les gars comme moi, reste loin de toi. À chaque fois. À chaque fois. A shop floor. A shop floor. Allo monieri mes secchi, allo monieri mes secchi, allo monieri mes secchi, allo monieri mes secchi, allo monieri mes secchi, allo monieri mes secchi, allo monieri mes secchi, allo monieri mes secchi, allo monieri mes secchi.